Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1932, Diego Rivera et Frida Kahlo à Détroit. En avril 1932, à son arrivée à Détroit aux États-Unis, le couple mexicain Diego Rivera-Frida Kahlo fait sensation. Lui, 45 ans, d'une carrure imposante, il pèse 140 kilos, un large sourire dans un visage de grenouille, c'est lui-même qui le dit, et elle, 25 ans, élégante et originale avec sa robe mexicaine, son collier de grosses perles et son ukulélé en bandoulière. Mariés depuis 3 ans, ils sont tous les deux artistes. Mais c'est à Diego Rivera, peintre muraliste de renommée mondiale et nouvelle coqueluche des Américains, que le milliardaire Henry Ford a passé commande d'une fresque pour l'Institut d'art de Détroit. Détroit, cette ville-usine tentaculaire du Michigan, capitale mondiale de l'automobile, où des milliers d'ouvriers travaillant à la chaîne vivent et meurent pour l'Empire Ford. Qu'est-ce que ces deux artistes proches du Parti communiste mexicain viennent-ils faire dans cette ville symbole du capitalisme? Si Diego Rivera aspire à libérer la classe ouvrière, il est aussi fasciné par l'épopée industrielle et se voit en Michel-Ange du XXe siècle. Mais bientôt son rêve américain tournera court sous le regard lucide de Frida Kahlo. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Judith Pérignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivaine, vous connaissez bien les États-Unis. Vous avez effectué de nombreux reportages et documentaires pour la presse et pour la radio, chez nous. Vous connaissez bien en particulier la ville de Détroit, qui est au cœur de votre dernier roman, Là où nous dansions, on en reparlera tout à l'heure. C'est vous qui m'avez proposé d'écrire une fiction sur le séjour effectué dans cette ville par Diego Rivera et Frida Kahlo en 1932-1933. Pourquoi d'abord cette ville vous fascine-t-elle et de quoi l'épisode Rivera-Kahlo est-il révélateur? Parce que cette ville, elle a été un peu le logiciel du monde moderne. Elle a défini le travail, l'économie, le modèle industriel. Elle a fait venir les gens du monde entier et elle s'est effondrée. Donc elle porte en elle tous nos cauchemars, y compris actuels, toutes nos impasses économiques, politiques, raciales. La peur. Et quand on est à Détroit, c'est hanté. Pour moi, je vois une ville hantée, pleine de vide, mais j'ai toujours cherché des voies. Je suis allée dans les archives, je suis allée rencontrer des vieux ouvriers, et je me suis postée devant cette fresque, plein de fois, parce qu'elle est immense, elle est pleine de détails. Et on peut toujours la voir. Donc. On peut toujours la voir, oui, elle est dans le hall du musée, et à chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. C'est presque toute une vie à la regarder. Déjà, où est Détroit aux États-Unis? Détroit, c'est au nord des États-Unis, c'est dans le Michigan, donc disons que c'est entre New York et Chicago, c'est à la frontière avec le Canada. Et voilà, c'est... Un centre névralgique, du moins ça l'était. Oui. Alors aujourd'hui, il faut le reconnaître, Frida Kahlo est beaucoup plus connue que son mari, hein, pour de bonnes raisons. Bah, c'est quand même une grande artiste et aussi peut-être de moins bonnes raisons. Le visage de Frida Kahlo est devenu, depuis quelques années, un véritable objet commercial. Mais dans les années 20-30, c'est la star, c'est Diego Rivera. Ah oui, c'est un grand peintre muraliste qui a émergé avec la Révolution mexicaine et qui est aussi allé en Europe, qui a côtoyé Picasso, toute cette poussée artistique et picturale de l'Europe. Oui, il a été cubiste à un moment. Il a été cubiste, donc il s'est vraiment, il a aguerri sa peinture là-bas, et puis il est revenu dans son pays, en pleine Révolution. Il est, lui, d'origine modeste, il s'est connecté par croyance, par conviction à cette Révolution mexicaine, et il a inventé avec d'autres au Mexique ses peintures murales dans la rue, dans les monuments. La Révolution lui a commandé des peintures de tous les monuments à l'époque. Et donc, c'est l'art populaire. Et donc, c'est quelque chose qui fait rêver les Américains qui sont effrayés par cette révolution mexicaine, à leur frontière. Voilà, et du peuple, les communistes, ils sont effrayés par le communisme. Mais cet art-là, et notamment dans ces années 30 où on est en pleine récession économique, où les machines et l'industrie est en panne, hein, c'est la grande crise de 29, il faut un peu parler au peuple. Il faut un peu parler à ces ouvriers qui sont en train de réfléchir et de se dire, tiens, est-ce qu'on nous a pas bernés? Et ils sont en train de, l'idéologie communiste est en train de percer dans les têtes et les oreilles aux États-Unis. Donc, cet artiste va permettre aux dirigeants, aux puissants, aux milliardaires, peut-être de leurrer un peu leurs ouvriers, mais en tout cas de s'approprier cet art populaire. Et Frida Kahlo donc est beaucoup plus jeune, elle a 25 ans, elle a 20 ans de moins que lui, c'est son premier voyage à l'étranger finalement, ce voyage qu'elle fait aux États-Unis là. Oui, et même au Mexique, elle n'était pas tellement sortie de son quartier d'enfance, et elle le suit aux États-Unis, et ils arrivent de New York, où il y a déjà eu une grande expo sur Diego à New York, et elle n'aime pas ce pays. Elle n'aime pas, ouais. Elle n'aime pas, elle le trouve triste, elle le trouve... Elle aime pas les gens, donc elle y noue des amitiés, on le verra dans la fiction, mais elle y est pas bien. Mais elle suit son mari, et c'est à Détroit qu'elle va commencer à faire justement dans cette douleur, dans cet ennui, parmi ses plus grandes toiles. Mais quand elle est accueillie là-bas, elle n'est que la femme de Diego Rivera. Une femme enceinte. Et enceinte, oui. Enceinte donc d'un enfant qu'elle va perdre, enfin on en reparlera voilà. Tout à l'heure. Et aussi une influence qui est importante, je pense, enfin vous me direz, vous me contredirez si je me trompe, Judith Pérignon, c'est aussi l'art de la Renaissance italienne, c'est-à-dire que Diego Rivera se revendique comme un marxiste et en même temps il se revendique comme un héritier de la tradition des fresques de la Renaissance italienne, puisqu'il est allé beaucoup en Italie, il y a quelque chose de... Il y a là aussi une filiation importante. Oui, il se veut Michel-Ange, quoi, il se veut peindre à même le monument, et il reprend dans ses techniques de peinture, c'est-à-dire dessiner sur les murs, agrandir ses dessins, peindre à l'eau pour que sur du plâtre, et le plâtre sèche en même temps que la peinture, pour que cette peinture, elle soit là pour l'éternité. Et c'est ça qui est important, c'est que cette toile, il faudrait que cette ville, ce musée s'effondre pour que cette toile disparaisse. Judith Pérignon poursuit tout à l'heure cette discussion, tout de suite Diego Rivera et Frida Kahlo à Détroit, un texte de vous, Judith Pérignon, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisé Christophe Hocquet. Bien sûr, personne ne sait ce que Rivera va décider de peindre sur les murs du musée de la ville. On peut affirmer sans prendre trop de risques qu'il peindra ce qu'on voit sous le ciel d'ici, c'est-à-dire des machines. Rivera est réputé pour être fasciné par les grandes machines qui sont l'expression de notre époque. Et bien sûr que je vais leur peindre des machines et des hommes. Nouvelle race d'hommes qui va naître, des machines et enterrer le vieux monde. Je vais leur faire la chapelle Sixtine de l'ère industrielle. La chapelle Sixtine des temps modernes, par un vieux communiste mexicain et trop gras selon son médecin. Diego Rivera. Le paysage change. On approche. On est là pour des mois. J'espère que Frida s'y plaira. Elle a le mal du pays. N'en peut plus des États-Unis. Peut-être que quitter les snobs de New York pour les travailleurs de Détroit adoucira un peu son jugement. Faut qu'elle se repose. La voilà qui me sourit. Comme un mot. Oh, écoute, Chiquitita. Il parle déjà de toi dans la presse de Détroit. Tiens donc. Le peintre Diego Rivera arrive de New York, où le musée d'art moderne vient de lui consacrer une ambitieuse exposition. Il sera en compagnie de son incomparable Frida. C'est à midi, le jeudi 21 avril 1932, que le train en provenance de New York entre en gare de Détroit. Sur le quai, le directeur du Detroit Institute of Art, le vice-consul du Mexique, les amis artistes et beaucoup de Mexicains de la ville sont venus accueillir Diego Rivera et sa femme, Señora Frida Rivera. Depuis 2 ans, les États-Unis raffolent de ce peintre mexicain devenu maître des grandes fresques murales en son pays. Il a déjà peint les murs de la Bourse de San Francisco. Il vient d'être l'objet d'une grande exposition à New York. Et voilà que Détroit, l'Eldorado industriel, la ville qui a connu la plus forte croissance au monde, lui passe commande. Il doit peindre l'esprit de Détroit, avec la bénédiction et l'argent de la famille Ford. Mais que fait ce communiste au cœur du monde capitaliste? Il vient voir les machines, la mécanique des usines qui produisent des automobiles en série. Communistes et capitalistes ont en commun une même fascination pour la technologie qui dessine l'aube d'un monde nouveau. Diego Rivera débarque avec le sourire, ses 140 kilos et son incomparable Frida. Il a 45 ans, elle en a 25. Les perles de jade et d'ambre, grosses comme des prunes, autour de son cou, le ukulélé sous son bras à la place du sac à main, sont les signes d'un ailleurs qu'elle revendique et qui lui manque. Les reporters se tournent vers elle. Señora Rivera, vous êtes peintre aussi à vos heures. La meilleure du monde. Tout le monde rit de sa blague. Puis le couple monte à bord d'une Ford en direction de l'hôtel. si haute. Les architectes d'ici ressentent sûrement la même chose que les anciens peuples du Yucatan bâtissant leur temple. Ils sont nettement plus matérialistes et moins portés sur la couleur. Regarde ces rues, ces gens, comme ils ont l'air tristes. Et ces cahutes, là. La Grande Dépression a frappé durement ici, comme ailleurs, tu sais. Beaucoup d'usines ont fermé. La moitié de la ville est sans emploi. Les gens ont perdu leur maison, ils campent où ils peuvent. Et c'est ici que s'écrit l'avenir radieux des peuples. Le nouveau monde ne se fait pas en une heure. Regarde cette fabrique à droite. Carhartt, vêtements de travailleurs, c'est immense. Ça a l'air fermé, comme les usines. Plus besoin de salopettes. Bien sûr que si. Ford prépare de nouveaux modèles. Ça va repartir de plus belle. J'ai hâte de visiter ces usines. Tu te rends compte qu'il a déjà fait un musée des générateurs qui n'ont pas 20 ans? Tout progresse si vite. Stade de baseball, là, à gauche. Je ne connais pas de sport plus emmerdant que celui-là. Et regarde ces somptueux cinémas. Il joue un nouveau Marx Brothers, on dirait. Je l'ai déjà vu à New York. Oh, tu trouveras bien d'obscurs films d'horreur comme tu les aimes. Tiens, voilà le musée où je vais passer mes jours et sûrement quelques nuits. Et là, juste en face, nos appartements, je crois. Wardell Hotel, c'est ça. Tu vois, je ne serai pas bien loin. Il te suffira de traverser la rue pour venir me voir. Paraît qu'ils sont comme ton ami Henry Ford dans cet hôtel, qu'ils n'aiment pas les juifs. Et alors dorénavant, nous sommes juifs. Comment on dit juif en anglais déjà ? Jewish. Le Wardell Hotel est fier de vous accueillir. Ils entrent. Le directeur de l'établissement accueille avec beaucoup de révérence ses hôtes de marque. Je tiens à préciser, nous sommes juifs. Ça te va comme ça, ma chiquitita ? On les a bien fâchés. Et maintenant, tu te reposes. Moi, je vais aller voir ces murs à peindre de l'autre côté de la rue. Et toi, tu t'allonges. Frida est enceinte de 2 mois. Diego est heureux, mais il sait le risque qu'elle encourt. Frida a déjà dû interrompre une première grossesse. Son corps, menu, miraculé après un accident de la route à 18 ans, son bassin étroit, ressoudé par tant d'opérations chirurgicales, n'est peut-être pas à même de porter un enfant. Si celui-là survit, peut-être la tuera-t-il en venant au monde. Il sort. Elle contemple le petit appartement. Il est lumineux. Il comporte un espace où elle pourra peindre comme elle l'a demandé. La table de la salle à manger est assez grande pour accueillir les amis, tous ces artistes qui sont aussi les assistants de Diego et qui vont vivre sur le même palier. Diego dit qu'il veut se sentir ici comme à Montparnasse, à Paris. Il veut une communauté autour d'eux. Il est habitué à voyager, 14 ans en Europe, quand Frida, elle, a essentiellement vécu dans son quartier d'enfance à Mexico. Ils sont là pour longtemps, des mois, peut-être une année. Il en faut du monde et du temps pour une fresque. Quelques semaines plus tard, l'artiste Lucienne Bloch arrive à son tour. Lucienne, je suis heureux que tu sois enfin là. Je te présente Edsel Ford, le président de la compagnie Ford, et l'homme sans lequel rien de tout cela ne serait possible. Enchanté, monsieur Ford. Mademoiselle. Et voici le jardin du musée et ses 2 grands murs à notre disposition. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que le président de la compagnie Ford s'appelait Henry et qu'il était beaucoup plus vieux. Mon père, Henry Ford, m'a transmis précocement le titre de président, mais c'est toujours lui le roi. Disons que je l'accompagne à ma façon et que l'art, c'est plutôt ma partie. Comme tu peux voir, Lucienne, depuis 1 mois que nous sommes là, les choses ont bien avancé. Nous commençons aujourd'hui l'installation des échafaudages. Il y a beaucoup de volontaires locaux, des étudiants en art, mais aussi des Mexicains actuellement au chômage qui nous aideront à préparer les murs et qui travailleront à l'agrandissement des dessins sous ton autorité. Nos équipes seront là demain pour commencer à filmer. Chaque étape de cette fresque doit être enregistrée et documentée. C'est excitant. Et ce musée, je comprends pas bien. Il est ouvert ou fermé ? La ville est à court d'argent et voudrait le fermer temporairement, mais pour l'heure, c'est ouvert à mi-temps. Tous les salaires ont été réduits de moitié. Quelle misère tout autour. Ces cabanes, ces campements, c'est terrible. C'est provisoire. La tournée des usines que j'ai entamée me rend optimiste. C'est une véritable révolution technologique qui est en cours ici. Tout va repartir. Les usines Ford sont pleines de projets. Bientôt, je t'emmène à Rose Plant. Ainsi que Frida. Tu verras, c'est un endroit magnifique, unique au monde. Vous êtes les bienvenus. Dites-nous simplement quel jour vous arrange. Sur ce, je vous laisse travailler. J'ai moi-même beaucoup à faire. Cher Diego, mademoiselle. Monsieur. Tu n'étais pas obligée de lui faire remarquer publiquement que son père l'écrase. Il s'en mettra. Il faut que j'y aille aussi. J'ai promis à Frida de l'accompagner à l'hôpital. Allez, vas-y. Elle a besoin de toi. Lucienne Bloch marche vers l'hôpital Ford. L'hôpital aussi est au nom de l'automobile. Cette ville est une succursale de l'industrie. Ses habitants, une main-d'œuvre. L'entreprise Ford encadre ses employés jusque dans leur domicile. Son département de l'éducation les visite chez eux pour leur rappeler qu'il faut se laver les dents chaque jour, qu'il faut aller à l'église le dimanche, qu'il est interdit à un salarié Ford de fumer chez lui, au risque d'être renvoyé. Henry Ford est un seigneur féodal de l'ère industrielle. Alors, c'est vers le siège de l'entreprise que les ouvriers, depuis trop longtemps au chômage, ont marché quelques semaines plus tôt, le 7 mars 1932, peu de temps avant l'arrivée de Rivera. La marche de la faim, il l'avait appelée. Elle a tourné au massacre. La milice de l'entreprise, confiée par Henry Ford à un mafieux local, a fini par tirer sur la foule. 5 morts. Leurs funérailles ensuite ont rassemblé des milliers d'ouvriers qui défilaient sur Woodward Avenue, le poing levé, en chantant l'International. Comme Rivera dans sa jeunesse au Mexique. Il se dit toujours communiste, même s'il n'est plus membre du parti. Ça ne dérange pas les milliardaires américains qui le payent. Au contraire, il crée le trouble. Il finance le peintre des travailleurs alors que la tentation syndicale enfle dans les usines. Le rêve de prospérité capitaliste s'est effondré. Alors, le médecin t'a dit quoi ? Rien. Je me démerde. Il veut pas se mouiller. À moi de choisir si je le garde ou pas. Mais tout va bien ? Jusqu'ici, oui. Et tu le veux, cet enfant ? Bien sûr. Je l'aime déjà. J'ai l'impression qu'il bouge. Mais je ne veux pas en crever. Je sais pas quoi faire, j'en dors plus, j'ai mal au ventre, au dos, partout. Pourquoi tu ne demandes pas conseil à ton docteur au Mexique ? Je lui ai écrit. J'attends sa réponse. Il me connaît mieux que personne. Tu devrais peindre pour te détendre. J'y arrive pas. J'arrive à rien depuis que je suis là. J'ai envie de m'acheter une guitare. On va en trouver une. C'est parce qu'il manque par ici les musiciens. Je suis tellement contente que tu sois enfin là, Lucienne. Je me sens si seule. Diego est totalement accaparé par ses fresques, les machines. C'est vrai que l'industrie est surprenante ici, mais tu verras, le reste de la ville est à l'image de ce pays, moche et stupide. Turbine, conduit, vapeur, convoyeur, rouleau, corps assis, corps debout, nuque penchée, main ouverte, poids serré. Main blanche, main noire, main jaune, essieux. Il s'appuie. Jambe avant, jambe arrière, pantalon, salopette, casquette, blouse, blouse du contremaître. Regard fixe, casque, lunettes, fonderie, jaune, étincelle. Cher Hetzel. Je sais maintenant qu'il me faut les 4 murs du jardin du musée, et pas seulement les 2 prévus. Je crois savoir que la rencontre avec mon père s'est si bien passée qu'il veut que vos désirs soient des ordres. J'ai rarement eu une discussion aussi passionnante avec quelqu'un. Votre père est l'inventeur du monde qui me faisait rêver, enfin. J'adorais la mécanique, tous les jouets qui s'y rapportaient. J'avais besoin, je crois, de sortir des légendes, des traditions qui m'entouraient. Vous, vous avez grandi et baigné là-dedans. Et ça ressemblait donc moins à un rêve. Quand nous soumettrez-vous vos planches ? À la fin du mois, je pense. Et ensuite, vous commencez à peindre ? Pas avant la fin juillet. Une fois les planches validées, il faudra agrandir les croquis. En faire des stencils à reporter sur les murs. Les 4 murs, j'insiste. Il faut de la place. Rouge, c'est plus qu'une usine. C'est un continent. Rouge Plante. Immense complexe industriel construit à 13 km du centre de Détroit par l'architecte américain Albert Kahn le long de la rivière Rouge. Plus de 100 000 ouvriers dans les périodes fastes. Le modèle industriel du monde entier pour le siècle qui vient. Le travail à la chaîne, le même geste répété à l'infini. Le travailleur sans qualification, facilement remplaçable par un autre. Et les cadences qui s'accélèrent. Bientôt, la voiture fabriquée en 2 heures. Rouge Plante épouvante dans le roman que Louis-Ferdinand Céline vient de sortir cette année-là en France, Voyage au bout de la nuit. Tout tremblait dans l'immense édifice et soi-même, des pieds aux oreilles possédés par le tremblement, Il en venait des vitres et du plancher et de la ferraille, des secousses, vibrées du haut en bas. On en devenait machine aussi soi-même, à force et de toute sa viande encore tremblotante, dans ce bruit de rage énorme qui vous prenait le dedans et le tour de la tête, et plus bas, vous agitant les tripes et remontait aux yeux par petits coups précipités, infinis, inlassables. L'artiste Rivera, lui, est fasciné. Ces presses, ces turbines, ces rouages qui s'emboîtent, ces métaux qui prennent la forme d'outils au service des hommes, c'est pure harmonie, c'est fluide, c'est scientifique, impeccable. L'homme allié à la machine, c'est aussi important que l'air, l'eau, la lumière du soleil. L'air et le soleil semblent bannis par ici. Les travailleurs sont si différents des gens qu'on vient de voir dans les bureaux. Ils ressemblent à ces ouvriers russes qu'on voit dans les films. On dirait qu'ils forment une espèce à eux seuls. Ouais, exactement. C'est l'union des hommes qui est à l'œuvre ici. C'est une symphonie qui sort de ces ateliers, une musique nouvelle, un nouveau monde. Tout est là. La puissance, la force, l'énergie, la tristesse, la gloire et la jeunesse de notre continent. C'est pas aussi mécanique que je le pensais. Chacun a ses responsabilités. Ils seront morts avant d'avoir pris du galon. Ah, il fait une chaleur à crever. Et écoute-moi ce silence. Tu parles d'un silence. Je te parle des hommes. Ils ne se disent rien. Ils ne se parlent pas. Diego Rivera, parfois, s'arrête pour faire le croquis rapide d'un visage qu'il terminera de mémoire. Il veut que les ouvriers puissent se reconnaître sur les murs tels qu'ils les imaginent. Bonjour. Certains, bonjour, même après le travail, posent pour lui. T'appelles comment ? Ricardo. Comment ? Ricardo. Ah. Mexicain ? Oh, je viens de Coyoacán. Comme toi, Frida. Et tu te plais ici ? Ah, j'ai été embauché chez Ford. J'avais 17 ans. Maintenant, j'ai mes papiers. Je vis selon les coutumes américaines. J'ai poussé une Allemande à l'église baptiste. Même les tortillas, je ne les digère plus. Prêtre, il faut absolument que tu goûtes les miennes. J'en ai entendu plus d'un ici qui veulent rentrer au pays. C'est tellement dur en ce moment. Pas des papiers, plus de travail. Je crois qu'ils embauchent même sans papiers. Donc, Ford ne déteste que les juifs. Pourquoi tu ris ? C'est pas qu'ils nous aiment bien, hein. C'est que les types comme nous, ils font pas de bruit, ils demandent rien, ils manifestent jamais. Vous savez que Ford a fait tirer sur les manifestants il y a 2 mois ? Ouais. 5 morts. Je pensais que c'était 4. Non, non, non. Les 5e, il était noir. Pour eux, ils comptent pas. Le prêtre n'a pas voulu dire une messe pour lui. L'art populaire est une émanation de la lutte des classes. Le Mexique est la plus belle et la plus... Ce soir-là, devant les 300 personnes invitées par le comité culturel des relations avec l'Amérique du Sud, dans les salons du casino, le vice-consul n'ose plus traduire. « Parlez anglais », insiste la foule des invités. Mais Diego Rivera parle mal l'anglais. L'italien, le français, le russe, oui, en plus de l'espagnol. Mais trop mal l'anglais pour en faire un discours. Alors rejoins-le, Lucienne. Traduis-le, puisque monsieur le vice-consul chie dans son froc à la simple évocation de la lutte des classes. Donc tout l'art populaire est une émanation de la lutte des classes. Les travailleurs que j'ai vus en Europe étaient les frères des pauvres du Mexique, qui sont la source de tout ce que j'aime. Quand j'ai compris cela, j'avais découvert un énorme réservoir esthétique. I had discovered a huge aesthetic tank. Je pouvais rentrer chez moi. I could go home. J'avais trouvé ma place et mon sujet d'artiste. Je peindrais dans les brèches du capitalisme. Tu as été parfaite. Ton ventre s'est rendu un peu. Nouvelle de Mexico. Le docteur ne me répond pas. Papa est ravi de me savoir enceinte. Maman va mal. Je crois que je vais y aller bientôt. Tu viendras avec moi ? J'aimerais bien, mais je crains que Diego ait besoin de moi ici. Tout va s'accélérer dans le musée. tout s'accélère. Diego Rivera dessine sans cesse les détails de l'usine, comme les origines du monde. Ce foetus-là, c'est notre enfant. Il sera sur les murs est dessus des colonnes. Il planera au-dessus de tout le reste. C'est un garçon ou une fille ? Je ne sais pas encore. Un garçon. Tu as perdu un fils. Je veux te redonner un fils. Il a l'air énorme sur ton dessin. Il est nourri directement par la terre. Tu vois tous ces sédiments dans le cordon ombilical. La terre, c'est le second royaume après le ciel dans la cosmologie aztèque. Les Amerlocs vont rien y comprendre. Et ils ne vont pas aimer ces deux grosses indiennes à poils qui veillent sur l'enfant. Les Amerlocs doivent finir par comprendre que le continent américain n'est qu'un seul, depuis la Terre de Feu jusqu'à l'Alaska. Ces indiennes, moi je les reconnais. Ce sont les nounous de ton enfance. Ce gros bébé, c'est toi. Tu ressembles toujours à un gros bébé. Moi je ne veux pas d'un gros bébé comme ça, il ne passera pas. Il me tuera. Je ne suis pas la Terre. Je ne suis même pas la moitié d'une de ces indiennes. Ce communiste capitaliste, cette vieille fripouille de Diego, il peignait les images sur les murs, qui n'étaient franchement pas très jolies. Il peignait par-ci, il peignait par-là, jusqu'à ce que Ford lui offre 20 000 $. 20 000 dollars. S'il peignait des trois. Cher Diego, vous qui croyez comme moi que la machine n'est rien d'autre que le nouveau messie tant attendu, suivez-moi en cuisine. Alors, regardez. Voilà la machine qui grille le pain et l'éjecte quand il est prêt. Et là, vous avez le batteur électrique. L'humanité doit se réserver pour le plaisir de la nourriture et non perdre son temps à la préparer. C'est l'habitude de préparer à manger. Ne me parlez pas du plaisir de nourriture. Je suis au régime, sur ordre de mon médecin. Ah non, pas ce soir. Passons à table. Je savoure, sans aucune rancune, d'avoir à ma table celui qui nous a peint, moi, Rockefeller, Morgan, mon affreux, goinfre capitaliste. Oui, c'est au ministère de l'Éducation de Mexico. Ça s'appelle le banquet de Wall Street. J'y figure aussi dans un autre panneau distribuant les armes aux ouvriers. Et vous voilà tous deux invités à dîner chez moi, à Fairlane. Quasiment passé à l'ennemi, oserais-je dire. Tout cela grâce à mon fils. Moi, je ne donnerais pas 5 cents pour tout l'art du monde. Mon bon léniniste, je ne fais qu'infiltrer les institutions bourgeoises. Chacun son agenda, mon ami. J'infiltre l'Union soviétique. J'ai construit 2 usines automobiles là-bas. Et leurs ingénieurs sont tous formés chez nous, ici, à Détroit. Je me souviens d'un ouvrier russe qui avait 4 portraits au mur de sa petite maison. Staline, Marx, Lénine et vous-même, mon très cher ami. Me voyant étonné, l'ouvrier russe m'a dit tel quel. Karl Marx a produit l'indispensable théorie. Lénine a appliqué cette théorie à grande échelle. Henry Ford a organisé le travail de façon compatible avec l'État socialiste. Et bien sûr, aucune de ses contributions n'aurait de sens sans le génie politique de Staline. Êtes-vous juif, monsieur Ford ? Henry Ford ne répond pas. Frida semble vouloir parasiter l'idylle entre son mari et l'industriel. Pendant 10 ans, Henry Ford a inondé les pages de son journal, le Dearborn Independent, d'une haine des Juifs et de leur prétendu pouvoir. Ses usines en Allemagne, sur le point de se donner à Hitler, feront bientôt partie de la machine de guerre nazie. Mais rien n'a jamais terni l'admiration que lui vouait Diego Rivera. Des années plus tard, dans ses mémoires, il écrit « J'ai regretté que Henry Ford ait été un capitaliste et l'un des hommes les plus riches du monde. » Je ne me suis pas senti libre de faire son éloge aussi publiquement et longuement que je l'aurais voulu. Il oublie même cet incident avec Frida ce soir-là. Mais, raconte Henry Ford, l'a maintes fois invité à danser et qu'à la fin de la soirée, il a mis à leur disposition une Lincoln avec chauffeur. Henry, nous ne pouvons pas accepter. Cette voiture n'est pas pour des gens comme nous. Hetzel veut trouver un plus petit modèle. tu ne pouvais pas te taire. Tu en fais trop avec lui. Tu l'as laissé t'inviter à danser. Je lui fais effectivement plus d'effet qu'une délégation d'ouvriers. Qu'aurais-tu fait si nous étions venus comme prévu au mois de mars, quand il faisait tirer sur les chômeurs? Je serais allé à la manifestation. Et ensuite, nous aurions tranquillement été admirer son grille-pain. Tu ne m'aimes plus. Ce n'est pas la question. Si, tous ces reproches, je sens que tu ne m'aimes plus. Et toi, tu m'aimes? Où sont passées tes attentions, ta tendresse? Je n'existe plus. Ce pays bousille notre amour. Les semaines passent. Diego se laisse aspirer par la ville. Frida, comme toujours, lutte contre son corps. Il est 5 heures du matin, ce 4 juillet 1932. Michel, réveille-toi! Frida est au plus mal, elle saigne! J'arrive! Appelle une ambulance. Il faut la transporter à l'hôpital. Elle est sous perfusion maintenant. Elle est plus calme. Seules les femmes peuvent endurer une telle douleur. Et Frida perd l'enfant à l'aube de la fête nationale américaine. Elle n'aime pas ce pays. Et aujourd'hui, c'est la parade. Et pour nous, les larmes. Elle l'aurait probablement perdue aussi au Mexique. Elle me dit un jour qu'avant même de me rencontrer, elle voulait un enfant avec moi. Elle voulait un enfant avec toi parce qu'elle voulait plus que ton amour. En marchant un peu et rentrant avant que l'orage éclate. Allons au musée. En pleine nuit. J'ai la clé. Ah, ici. La chaîne d'assemblage de l'automobile. C'est la conquête du temps et de l'espace. Là, l'industrie chimique de la ville. C'est le combat contre la mort, l'allongement de la vie. Là-haut, quatre femmes de couleurs différentes dont la peau nous rappelle ce que nous a offert la terre, le charbon, le calcaire, le sable, le fer. C'est le vieux monde des races et de l'oppression qui bascule vers l'âge industriel et libérateur. Je t'explique tout ça, Lucienne, car désormais je préfère que tu restes auprès de Frida plutôt qu'avec nous sur le chantier. L'orage n'a éclaté que le lendemain. C'est courant l'été, tant les journées sont chaudes à Détroit. Frida a-t-elle fait une fausse couche ou a-t-elle finalement fait en sorte d'avorter pour ne plus avoir peur? Même les mots de ses proches alors semblent hésiter. Elle avait demandé de la quinine au médecin. Lucienne, puis Diego, lui rendent visite dans l'après-midi. Elle va mieux, elle n'a plus à décider. J'ai un message d'Henry Ford pour toi. Ma très chère Frida, me voilà bouleversée d'apprendre la triste nouvelle. Votre chagrin, votre douleur, vous la plus forte des femmes. Un jour, l'un de nos bolides portera votre nom, celle que rien, jamais n'arrête. Non. Il écrit ça? Tu mens. Oh, j'ai pas pu m'empêcher. J'étais inspirée, c'est vrai. Je veux voir le fœtus. Ça se fait pas, vous. Ma chiquitita. Je veux voir le fœtus, Diego. Le médecin voudra jamais. Je vais lui parler. Lui dire que Frida n'est pas n'importe qui. Elle saura faire quelque chose. Elle voit un fœtus de 4 mois. Et une fois sortie de l'hôpital, se met à peindre l'une de ses plus grandes toiles. Elle est nue sur un lit. Le fœtus d'un garçon plane au-dessus d'elle, encore relié à son ventre. Au pied du lit, le squelette de son pelvis trop étroit. Le tableau s'appelle Henry Ford Hospital. Diego s'est mis à peindre les murs du musée. Il n'a pas établi les couleurs à l'avance. Il improvise au fil de son souvenir. Il utilise de la peinture à l'eau sur du plâtre humide. Ainsi, la peinture se fond dans le mur, durcit avec lui et finit par se confondre avec lui. C'est la technique qu'utilisaient Michel-Ange et les maîtres italiens. Diego peint le monde. Frida peint la chair. Elle est souvent seule. C'est le plâtre qui définit les horaires de travail de Diego. Pas de pause, pas de nuit, tant que c'est humide. peindre parfois 48 heures d'affilée sous la chaleur de juillet. Le mois d'août offre le spectacle d'une éclipse solaire totale. On retrouve le soleil et la lune côte à côte sur la nouvelle toile de Frida. Un autoportrait, le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, qu'elle voudrait tant repasser dans l'autre sens. Bientôt, sa mère se meurt. Frida part pour Mexico avec Lucienne. Chiquitita, le plâtre n'était pas de bonne qualité aujourd'hui. Tu imagines donc mon humeur ? Mais il me semble que je me serais contenté de ce plâtre si ma Chiquitita était là, auprès de moi. Je sais qu'il fallait que tu partes, mais je suis comme un soldat blessé à la bataille quand tu n'es pas là. Hier, je suis allé chez le barbier. J'ai fait couper mes cheveux très courts. Je ne me reconnais pas. Si vieux, si maigre maintenant, avec ce fichu régime sans viande et tout ce travail. Samedi, les gens de chez Rockefeller m'ont proposé un panneau dans l'immeuble du Radio City Hall à New York. Il fera 8 mètres carrés dans le bâtiment principal. Ils fournissent la toile et paient 14 000 dollars. Ah, j'ai dit oui. Ici, j'ai fini le panneau de la vaccination dans le coin F, en haut à droite du mur nord. Ça fait 7 panneaux terminés depuis que tu es parti. Je peins en pensant à ce que tu diras quand tu reviendras. Je n'en dis pas plus. Je veux voir le visage de ma Chiquitita quand elle les verra. Cher Hetzel, c'est vous à 7 heures. Les nuits sont plus calmes. Nelson Rockefeller est venu me trouver ici un soir. Il voulait voir avant de passer commande. Et que vous a-t-il dit ? Qu'il n'y aurait bientôt plus autant d'argent entre les mains d'une seule famille, comme la sienne. Il voulait vous séduire. Vous avez lu le journal ce matin ? Une lettre anonyme et l'éditorial du Detroit Free Press qui accuse le musée de payer un propagandiste communiste. Enfin, il se réveille. Et vous ? Que voyez-vous ? L'usine. C'est mon père, là, en blouse de contremaître. Ah, c'est un mélange de votre père et de son ami Thomas Edison. Hommage à l'électricité, forcément. Eux deux, ils ont changé le monde. Votre père sera là aussi, avec un groupe d'ingénieurs. Et vous, vous serez de ce côté-là. Laissons passer le vent de la polémique. Je ne vois rien de communiste dans tout cela. Moi, si. J'y vois l'avenir. L'hiver bientôt est rude. 1932 laisse place à 1933. Les assistants commencent à l'aube. Ils sont là vers 2h du matin pour qu'à 10h, Diego Rivera trouve un plâtre humide et les motifs déposés à travers un papier calque. Lorsque Frida revient de Mexico, elle reconnaît à peine son mari. Il a perdu près de 50 kilos. Là, là. Ouvre les yeux, ma Frida. Voilà l'enfant qu'on n'a pas eu. Il restera au mur tant que cet édifice tiendra debout. Tant que cette ville tiendra debout. Tant que ce monde tiendra debout. Il restera. C'est magnifique. L'œuvre s'achève, monumentale. Une soirée réservée à la haute société de Détroit et aux donateurs se finit en haut le cœur général. Les femmes en particulier sont choquées. Ce jardin, c'était leur oasis à l'heure du thé. Le voilà recouvert d'ouvriers qu'elles ne frôlent d'ordinaire jamais. Nombreux sont les ténors de la ville qui demandent qu'on passe ces murs à la chaux. Mais Hetzel Ford prend publiquement la parole pour défendre la fresque de Rivera. Surtout, 20 000 personnes se présentent le premier dimanche d'ouverture au public. La plupart ne sont jamais venus au musée. Ils se reconnaissent parmi les corps penchés sur la chaîne d'assemblage. Ils ont parfois les larmes aux yeux. 86 000 visiteurs annoncent triomphalement le musée à la fin du mois d'avril 1933. Diego et Frida Rivera sont alors déjà repartis pour New York. Avez-vous peint la philosophie de Moscou sur les murs du musée de Détroit ? Demande là-bas une journaliste à Diego Rivera. Bien sûr, c'est la forme ultime de vie sociale parmi les hommes civilisés. Dans l'entrée du Radio City Hall de New York, où il peint désormais, l'un de ses personnages a pris les traits de Lénine. Nelson Rockefeller lui demande d'effacer ce visage. Rivera refuse. Les vigiles du Mania investissent les lieux, le somme de partir, lui et son équipe. Il sera payé. Mais son mur détruit et réduit en miettes. Celui de Détroit a survécu à la tempête. Mais les usines autour ont fini par fermer les unes après les autres, entraînant dans leur chute toute une ville et ses habitants. Les machines n'ont jamais libéré les hommes. Si l'on détruit mes fresques à Détroit, je ressentirai une profonde douleur. Parce que j'ai mis en elle une année de ma vie et le meilleur de mon talent. Mais demain, je serai occupé à en créer d'autres, car je ne suis pas simplement un artiste, mais plutôt un homme qui réalise sa fonction biologique de produire des peintures. Comme un arbre produit des fleurs et des fruits et ne se plaint pas de perdre ce qu'il a fait chaque année, puisqu'il sait qu'à la prochaine saison, il recommencera à fleurir et à porter des fruits. Diego Rivera et Frida Kahlo à Détroit, de Judith Pérignon, avec Diego Rivera, Grégoire Mont-Saint-Jean, Frida Kahlo, Paola Cordoba, Lucienne Bloch, Suzanne Aubert, Edsel Ford, Yvan Cory, Henry Ford, François Loriquet, l'ouvrier mexicain Enrique Morales, le révérend Coughlin, Joachim Salinger, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Jason Taous et Éric Villenfin, assistant à la réalisation Léo Durin, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on parle encore de Diego Rivera, de Frida Kahlo et de Détroit avec mon invité Judith Pérignon. Steam engine, rolling down the track. Station bell ringing. Gotta hurry back. Steam engine, running out of steam. Ils Jazz Steam Engine sur France Inter. L'émission Autant n'importe l'histoire est réalisée par Anne Weinfeld, assistée d'Anna Massardier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Sofiane Aktib. Judith Pérignon, Diego Rivera a fait donc scandale à Détroit. On a même vu un prêtre catholique s'en prendre violemment à Rivera sur une radio. Oui, c'était le révérend Coughlin qui avait effectivement une émission de radio et qui était après reprise dans tous les États-Unis. Donc c'était une figure nationale et qui effectivement s'est fâché contre cet art communiste. C'était une montée d'un populisme anticapitaliste, anticommuniste. Puis il sentait ce monde moderne qui allait un peu se débarrasser de Dieu. Et donc il est parti dans une vraie croisade. Effectivement, il y a des archives comme ça. Il n'a fait qu'alimenter cette polémique autour de l'art de Rivera. Oui. Heureusement, Edsel Ford l'a défendu parce que peut-être que ses fresques auraient été détruites comme celles de Rockefeller à New York. Oui, alors Edsel Ford l'a défendu au nom de cette modernité. Par exemple, le révérend Coughlin, il y a un panneau qui s'appelle la vaccination. C'est amusant d'en parler aujourd'hui, mais où effectivement, c'est comme l'enfant Jésus, mais tout à coup, il est entre les mains d'un médecin qui lui met une piqûre dans le bras. Et donc, on est dans cette bascule du début du siècle, ce monde moderne qui s'installe. Donc, Edsel Ford le défend. Mais c'est vrai que, et je pense que s'il a dessiné peut-être Lénine à New York, c'est qu'au fond, à New York, il a voulu être plus polémique, plus politique, ce qu'il n'a pas fait à Détroit, parce qu'au fond, il est dans cette relation, cette fascination qu'il a avec Henry Ford. Oui, c'est étonnant. Hein. Il y a quelque chose de un peu paradoxal, évidemment, puisque Diego Rivera, il est quand même communiste, même s'il a des relations un peu aussi compliquées avec le Parti communiste mexicain. Il a adhéré, il a rendu sa carte plusieurs fois, et en même temps, il est anticapitaliste, et en même temps, il adore ce Henry Ford, quoi. C'est étrange. Oui, mais alors moi, en plongeant dans les archives, je trouve que c'est intéressant de voir comment ces deux, effectivement, même cette idéologie communiste était fascinée par l'industrie. Et aujourd'hui, on est en train d'en payer le coup, c'est-à-dire qu'on est dans une crise écologique importante, on se rend compte que tous les courants de pensée étaient fascinés. C'était un nouveau monde, les gens étaient fascinés par ces voitures, ces trains énormes. Ils étaient comme des enfants. Quand on va au musée Henry Ford aujourd'hui, qu'on voit les premiers modèles et les premières vidéos, les gens étaient comme des enfants, ils étaient ivres de cette nouveauté. Un communiste comme un capitaliste. Bah, et là-dessus, ils se sont retrouvés. Ouais. Quoi. Et puis, en Union soviétique, dans les années 30, enfin, on le sait bien, il y avait un art aussi qui magnifiait les ouvriers stakhanovistes, enfin, ça c'était un peu plus tard, mais l'ouvrier, le paysan qui travaille la terre pour la grandeur soviétique. Bien sûr, et d'ailleurs quand il y a ces marches de la faim aux États-Unis et à Détroit qui sont réprimées effectivement en tirant sur les ouvriers, il y a dans les usines de Ford des ingénieurs soviétiques qui regardent ces premiers militants communistes américains avec mépris, en disant ils sont fous. Pourquoi ? Ben parce qu'au fond c'est intéressant parce qu'on a opposé ces deux mondes, mais la toute-puissance parle toujours à la toute-puissance, les intérêts économiques, les intérêts politiques, et pendant ce temps-là les gens se débattent dans leur vie et on les a manipulés des deux côtés. Et c'est une scène moi que j'ai découvert dans les archives qui est pas dans cette fiction, mais ces ingénieurs soviétiques méprisants ces premiers communistes américains, je trouve que ça dit beaucoup oui, de choses. Oui, ça dit beaucoup de choses, et en même temps ces années 30, ce sont les années des grands totalitarismes, hein, bah c'est ça dont on parle, stalinisme, fascisme, nazisme, ouais. Et voilà, et il y a plus beaucoup de place là-dedans pour la démocratie, enfin c'est pas l'éloge de la démocratie qu'on fait là, on est vraiment dans le grand isme. Et est-ce que les œuvres justement de Diego Rivera, qui sont vraiment des œuvres monumentales, qui sont forcément liées aussi à des commandes d'État, est-ce que c'est forcément lié aussi à une forme de propagande finalement ? Oui, au sens où il s'empare de monuments, de fresques, de murs, on est dans le grandiose. Mais en revanche, c'est vrai qu'il s'attarde sur les personnages. Oui, c'est ça qui fait la différence. On revient à hauteur d'homme. Et quand on s'assoit aujourd'hui encore dans le Rivera Court, qui s'appelle comme ça maintenant au DIA, Detroit Institute of Art, on voit plein de personnages. On voit le mouvement des corps, on voit le regard du contremaître, on voit la froideur hiérarchique. Et finalement, moi j'ai découvert après coup sa fascination. Parce que moi, je l'ai regardé avec une ville en ruine autour de moi, et je n'y ai vu que sa critique, alors qu'au fond, elle n'était pas forcément là dans son intention au départ. C'est assez paradoxal. Voilà, et la peinture s'est teintée de ce qui est arrivé à la ville et après Rivera. Et c'est là que l'œuvre est très réussie, c'est que la peinture reste vivante et les gens restent vivants. Oui, c'est ça, c'est cette peinture au niveau des individus, au niveau des humains. Il y a aussi de l'humour dans ces peintures. On voit, à un moment, il se met lui-même en scène, en train de peindre Diego Rivera, on le voit de dos, avec ses grosses fesses, son gros ventre. Il est dans l'autodérision. C'est assez amusant. Quoi. Et il a l'air d'un ouvrier sur un échafaudage aussi. Il est accueilli par tous ces gens et en même temps, une fois sur l'échafaudage en salopette, il est comme un ouvrier. J'en profite pour remercier les archivistes du musée de Détroit, Maria Ketcham et James Hanks qui ont beaucoup nourri cette fiction. Voilà. Tandis que Frida Kahlo, donc on l'a entendu, elle est pas très bien à Détroit. En plus, elle fait cette fausse couche. Est-ce que elle va développer un art plus personnel qui nous touche davantage aujourd'hui, des tableaux peut-être aussi moins monumentaux, mais qui sont extrêmement personnels et qui reflètent autre chose, mais qui sont aussi dans une filiation mexicaine certainement. Mais oui, c'est ce qui s'esquisse dans ces mois-là. Par exemple, lui, il est en train de peindre le monde, le grandiose, les usines, la collectivité. Elle est ramenée à son corps, à cette fausse couche qui est peut-être aujourd'hui un avortement, mais à la douleur, au saignement, à ce deuil. Et elle peint un lit, son corps, un enfant qu'elle n'aura pas, et ils sont tous les deux à un bout de la vie en fait, et je trouve assez beau ce qu'elle fait pendant que lui travaille comme ça dans ce monumental. Elle se penche sur son histoire et effectivement elle dit beaucoup de ce qu'elle ressent, et c'est intime. Quand un artiste réussit à pénétrer son intimité, il peut parler aussi à tout le monde. C'est pour ça que ces toiles, c'est aussi universel, et voilà. Judith Pérignan, votre dernier roman, Là où nous dansions, met en scène Détroit entre les années 30 et 2013, l'année où la ville, suite à la crise des subprimes, a été déclarée en faillite. Et à travers le personnage d'un policier noir de Détroit, vous évoquez la destruction d'un grand ensemble, Brewster's Project. De quoi Détroit, depuis les années 30, est-elle devenue le symbole ? Elle est devenue le symbole de cet emballement, de cette frénésie moderne. Elle a fait venir le monde entier, puis elle a construit. Elle est le symbole de la vitesse, tout ce qui était du morcellement, de la fracturation des gens, de l'exploitation des gens. Et en même temps, c'est la ville où les gens ont appris à se défendre. Justement, comme c'était cette grande ville industrielle, c'était un grand bastion syndical. Et si les entreprises sont parties, c'est pas simplement parce que c'était le contexte économique. C'est parce que les entreprises ont trouvé une population trop fière et ils sont partis dans les états d'à côté, juste à côté, en exigeant des gens qui ne se syndiquent pas. Donc ces années 30 qu'on raconte dans cette fiction, ça donne 5, 6, 8 ans plus tard les premiers syndicats et une vraie fierté ouvrière que les gens ont payé très cher. Ce roman, vous l'avez dédié à la mémoire de Bilal Bereni, son nom d'artiste Zoo Project, un peintre de street art franco-tunisien qui est mort assassiné en 2013 à Détroit. Est-ce qu'il y a une filiation entre Diego Rivera et Bilal Bereni, Zoo Project ? Moi, je l'ai imaginé dans mon roman et je suis sûre que Bilal est allé s'asseoir dans le musée de Détroit. Il y est allé s'asseoir et il l'a regardé. Lui, Bilal, il peignait vraiment, il peignait le monde, le dénonçait. Il a peint notamment, c'était au nord de Paris, ces gens en batterie devant des ordinateurs avec des têtes de moutons. Et c'est totalement l'héritage de ce travail, de ces chaînes d'assemblage qu'on invente dans les années 30. Donc moi, je vois une filiation par le contenu, par le message et par le talent qu'avait Bilal avec Diego Rivera, oui. Merci beaucoup Judith Pérignan. Votre roman, donc Là où nous dansions, a été publié chez Rivage. À lire également la biographie de Diego Rivera par Bertram Wolff, édité chez Séguier. C'est la fin d'Entendre emporte l'histoire. Cette émission, vous pouvez bien sûr la réécouter, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends avec impatience vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous irons à Vienne au début du XXe siècle rencontrer une femme fascinante, Alma Mahler. Jeune fille, elle rêvait de devenir compositrice, mais sa vie sera tout autre. Elle sera l'épouse du compositeur Gustav Mahler avant de multiplier amants et maris. Des hommes, tous artistes ou écrivains, et tous fous amoureux d'elle. Le plus fou d'entre eux sera sans doute le peintre Oscar Kokoschka. Alma Mahler, la femme silencieuse, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.